Bonjour, chef Omblard. Vous êtes bien matinal aujourd'hui. On ne vous attendait pas de si tôt. Mais je vous en prie, prenez place, je vous en prie. On vous a préparé notre meilleure table, comme d'habitude, dans le coin. Alors, monsieur Fomblard, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Comme d'habitude, un petit château de taille demi-sec en entrée? Oui, j'étais au supermarché et j'ai oublié d'acheter la litière. Très bien, monsieur Fomblard. Alors ensuite, en entrée, macédoine de légumes, céleri rémoulade, ou alors ensuite, endive au jambon et sa sauce béchamel. Qu'en dites-vous? Vous avez pas plutôt des sardines? Des sardines, très bien. Sardines en conserve, connétable, dans sa boîte en alu. C'est parti pour monsieur Fomblard. Et en menu, en plat principal, qu'est-ce qu'il va prendre, monsieur Fomblard? Je vous propose civet de bœuf, côte de bœuf, joue de bœuf mariné à la bière. Ou sinon, nous avons un magnifique plateau de fromage. Je cherche une femme. Eh bien, nous avons une petite clairette de la région Champagne-Ardenne. Je pense que ça vous ira très bien, monsieur. Je préfère le whisky, s'il vous plaît. Et en dessert, je vais prendre une crème brûlée. Brûlée, mais pas trop, hein. Sinon, ça ferait comme au four crématoire. Vous avez toujours le mot pour rire, vous, hein.